Nous sommes vendredi 28 juillet. Bienvenue à l'écoute de cette édition de la mi-journée dont voici la charpente. Les jeunes filles d'Okayanza sont appelées par le ministre de la Santé de ne pas s'adonner à la débauche pour éviter les grossesses précoces. Elles sont invitées à s'intéresser plus à l'école qu'à autre chose. Le chef de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme indique que la situation sécuritaire des droits de l'homme est à un niveau satisfaisant au Burundi, même s'il se remarque quelques cas qui viennent entacher la sécurité intérieure du pays. L'association volontaire pour la défense des droits des prisonniers se dit préoccupée par les décès qui se remarquent dans les prisons suite à un refus de laisser les détenus aller se faire soigner à l'extérieur des maisons de détention. La distribution de stands au sein du marché de Cotebou satisfait les vendeurs de fruits et légumes qui travaillent à l'extérieur de ce marché. Notre reporter nous mènera à ce marché. La mise en onde est assurée par Aimé Toussemitebouti. À la présentation de ce journal, c'est Ali Dandaïkeza. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bienvenue encore et commençons par la page Droits de l'Homme. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme se dit satisfaite de la situation sécuritaire des droits de l'homme dans tout le pays. Dans une déclaration de la CNIDH, Jean-Baptiste Baribonekeza a indiqué qu'il se réjouit du retour volontaire des réfugiés burundais et demande au HCR de faciliter ce retour. Le président de la CNIDH a aussi fait savoir que la Commission déplore toutefois les actes d'atteinte à la sécurité observée au cours du mois de juillet dans certains coins du pays. La CNIDH recommande, entre autres, au Conseil de sécurité des Nations Unies de demander à la CPI de s'asseoir à l'examen préliminaire sur la situation au Burundi. Suivez-le. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, note avec satisfaction une nette amélioration de la situation sécuritaire et des droits de l'homme dans tout le pays. La CNIDH déplore toutefois les actes d'atteinte à la sécurité observés au cours du mois de juillet 2017, à savoir les explosions de grenades perpétrées à Gatara en province Kayanza, à Bugawira en province Kirundo et à Bwiza en mairie de Bujumbura. La CNIDH note avec appréciation les efforts engagés par le gouvernement, aussi bien au niveau politique et institutionnel qu'au niveau économique et social. La CNIDH encourage la volonté du gouvernement de maintenir le dialogue avec différents acteurs nationaux et internationaux sur les sujets de préoccupation relatifs aux droits de l'homme. La CNIDH déplore le maintien des mesures de suspension de la coopération et d'autres formes de pression indues exercées par certains partenaires, notamment l'Union européenne et la Cour pénale internationale. La CNIDH constate que les crimes commis au Burundi ne sont pas au-delà des capacités de la justice burundaise et que la volonté d'enquêter et d'engager des poursuites, le cas échéant, est réelle. Face à cette situation, la CNIDH recommande ce qui suit au gouvernement d'abord, de continuer à s'engager dans le dialogue sur toutes les questions de préoccupation de la population burundaise. Aux autorités judiciaires de poursuivre le travail de traitement des dossiers relatifs aux allégations de violations des droits de l'homme dont elles sont saisies. Au Conseil de sécurité des Nations Unies de demander à la CPI, en vertu de l'article 16 du statut de Rome, de s'asseoir à l'examen préliminaire commencé le 25 avril 2016 sur la situation au Burundi, en vue de donner la chance aux efforts de consolidation de la paix et de la réconciliation au Burundi, et dans la sous-région, ainsi qu'au dialogue politique en cours. À la communauté internationale, la CNIDH recommande de continuer à soutenir les initiatives de paix et de dialogue politique en cours et aider les parties prenantes à trouver rapidement un compromis. Au Haut Commissariat pour les réfugiés, HCR, la CNIDH recommande de faciliter, en collaboration avec le gouvernement du Burundi et le gouvernement des pays d'accueil des réfugiés burundais, le retour volontaire des réfugiés ayant exprimé leur volonté de rentrer au Burundi en réactivant au besoin les commissions tripartites de rapatriement. C'était Jean-Baptiste Balibonekeza, président de la CNIDH. Une négociation d'un accord de siège du bureau au commissariat de droits de l'homme au Burundi est en cours, ce qui va permettre la reprise des activités de ce bureau à Bujumbura. Cela a été dit par Albert Shingiro, ambassadeur du Burundi auprès des Nations Unies, dans une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est tenue à Genève ce mercredi de la semaine en cours. Il a souligné que le fait de garder le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour le droit de l'homme au Burundi n'est plus une préoccupation et appelle à la flexibilité de tous, de toutes les parties, afin de parvenir à l'aboutissement heureux de ces discussions. Suivez-le. Le processus de négociation d'un nouvel accord de siège, mutuellement consensuel, permettant la reprise de la coopération entre le Burundi et le bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Le dialogue est en cours. Nous projetons nous rencontrer dans les prochaines semaines pour finaliser le texte qui doit régir cette coopération que nous souhaitons progresser normalement. Comme je l'ai dit la fois passée, Monsieur le Président, le fait de garder le bureau au Burundi n'est plus une préoccupation. Je vous rassure que c'est un acquis déjà. Vous pouvez compter sur l'engagement du Burundi à ce sujet. Il ne reste que parachever ce texte. Nous en appelons à la flexibilité de toutes les parties afin de parvenir à l'aboutissement heureux de ces discussions. Puisque, il faut le rappeler, Monsieur le Président, il s'agit d'une discussion entre deux. Parlons droit des prisonniers pour terminer le dossier droits de l'homme. L'Association volontaire pour la défense des droits des prisonniers, AVDP, se dit préoccupée par la violation du droit d'accès aux soins pour les prisonniers dans certaines prisons. Le président de l'AVDP soulève le cas le plus récent d'un prisonnier de Ruigi qui a succombé faute d'autorisation de se faire soigner à l'extérieur. Jean-Pierre Ninerete demande au gouvernement de rendre disponibles les moyens de déplacement des malades prisonniers pour aller se faire soigner dans différents hôpitaux et surtout au directeur des maisons d'arrêt de détention de ne pas se constituer en une entrave. Jean-Pierre Ninerete au micro d'Alain Désiré Ukeneza. L'AVDP condamne fermement la violation du droit à la santé des détenus dans les prisons burundaises. Et pourtant, le droit à la santé des personnes détenues au Burundi est consacré dans les textes internationaux et régionaux auxquels le Burundi a souscrit. Ces prévisions légales ne correspondent pas à la réalité sur le terrain. Les cas les plus récents, ce sont les cas qui sont survenus dans la prison centrale d'Ompimba et dans la prison de Ruigi, où il y a des morts, sans oublier aussi une personne qui est morte dans le cachot de Karuzi. Là, il avait subi des tortures parce qu'il a été frappé par ceux qui l'ont arrêté. Quelles sont les circonstances de la violation de ces droits? Les circonstances sont diverses. Il y a d'abord le manque de volonté des dirigeants de ces prisons. Il y a aussi une négligence des dirigeants que nous avons voulu aussi soulever. Il y a aussi le manque de matériel pour évacuer ces malades. Je parlerai du cas de Ruigi où on ne dispose pas de véhicules pour venir au secours de ces malades. Mais quel est votre appel pour parer au plus pressé? Je dirais par exemple pour le cas de Ruigi, il faut que le gouvernement et les chargés de services pénitentiaires mettent à la disposition de cette prison un véhicule pour évacuer les malades dans les cas urgents. Et aussi, je donne un crédit au directeur de prison pour qu'il ne soit pas un problème pour ces malades, parce que souvent ils demandent des permissions pour aller se faire soigner, mais en vrai, ça, il faut qu'ils assument les responsabilités comme il faut. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le journal continue sur la radio Isanganiro. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, qui est marraine de la province de Kayanza au niveau du gouvernement burundais, appelle les jeunes filles de cette province de laisser de côté la débauche sexuelle et de fréquenter l'école. La ministre Josiane Nijimbele l'a dit ce jeudi lors de la descente conjointe avec l'ambassadeur de la Hollande au Burundi pour constater l'état d'avancement des projets de développement financés par le Royaume des Pays-Bas. Le point avec Eva. Les administratifs de la base au sommet en province de Kayanza confirment qu'une densité démographique est inquiétante dans cette province. Non seulement dans des foyers légalement fondés, les grossesses précoces chez les jeunes filles empirent la situation. Lors de sa descente dans cette province, la ministre de la Santé et marraine de cette dernière a lancé un appel pressant à ces jeunes filles. abana babigeme tubatumirire ko Nous demandons à toutes les filles présentes ici et celles qui ne sont pas venues d'éradiquer ce grossesse précoce. Que d'ici la fin de cette année, l'on n'entende plus ce genre de grossesse. Qu'on n'entende plus une jeune fille qui a abandonné l'école à cause de la grossesse précoce. Laissez cette histoire, il n'est pas encore temps de mettre au monde, étudiez d'abord. Ne vous précipitez pas. Lors de cette descente conjointe de la ministre de la Santé publique et de l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Burundi ce jeudi, il était question de constater l'état d'avancement des projets appuyés financièrement par la Hollande et dans les provinces d'Ngozi et Kayanza. Il s'agit de la sécurité alimentaire, santé sexuelle et reproductive et la bonne gouvernance et l'état des droits. L'ambassadeur Harry Verweij n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. Il appelle cependant à la population de Kayanza de s'atteler aux travaux de développement et dépasser le tabou sexuel. Les ressources du temps de Kayanza, le plus peuplé province de Burundi, sera soyez prudents, mais aussi écoutez Agashi, parce que l'impact d'Agashi sera qu'on est formé et éduqué. Pour moi, le plus important aspect d'une croissance économique, d'un développement du pays, c'est l'éducation de la population. Prendre l'opportunité d'avoir une éducation, prendre l'opportunité d'être indépendant financier et dépasser le tabou sexuel. C'est ça mon message. L'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Burundi promet que son pays, en collaboration avec les autres pays de l'Europe, va rester aux côtés du Burundi pour aider dans les projets de développement communautaire. Merci Évariste pour ces détails et rendons-nous à Ngozi où les jeunes rassemblés en association des collines environnant la montagne Mukinya en commune Ngozi demandent au gouvernement à travers le nouveau projet de valorisation de la filière café de leur donner les espaces non reboisés de cette montagne afin d'y planter des caféiers. Cette demande se fait au moment où l'année passée des députés ont déraciné environ 14 000 plants de caféiers en vue d'y planter des arbres. Apollinaire Mozagara. Ces jeunes des collines Chigumije, Gahengeri et autres saluent le nouveau projet de valorisation de cette culture, projet visant à augmenter la production du café en quantité et qualité. Les jeunes affirment avoir entendu qu'à travers ce projet, les terrains de manioc libres seront octroyés aux associations des jeunes et femmes pour y planter des cafés. Les jeunes demandent à cet effet au gouvernement de leur donner des espaces libres non reboisés de la montagne Mukinya pour cet effet. Ils déplorent néanmoins que l'an passé, les députés élus en Ngozi ont ordonné de déraciner plus de 14 000 plants de caféiers repiqués par ces jeunes sur le mont Mukinya en vue d'y mettre des arbres. Les jeunes avaient été aidés dans cette activité par le projet Kawatu en payant 10 francs par plant et les 40 francs restants et le transport étaient payés par ce projet Kawatu. Ces jeunes réunis en association parlent d'énormes pertes d'où ils demandent d'être réhabilités. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Mozagara et quittons Ngozi pour nous rendre à Rumonge. Il se remarque une faible fréquentation du site touristique des eaux thermales de Mugara depuis la hausse des tarifs par le conseil communal de Rumonge. Les personnes rencontrées à l'extérieur du site parlent de manque de moyens pour visiter ces lieux et demandent la révision à la baisse de ces tarifs. Jean-Pierre Misago. André Hamagaye, un vieil homme de 60 ans natif de Mugara, a été interrogé à l'extérieur de la clôture du site des eaux thermales de Mugara alors qu'il se dirigeait vers un petit bassin qui s'est formé à la sortie des eaux provenant des piscines. Cela explique ce vieil homme que les gens aux moyens financiers limités se rabattent malgré eux depuis début juillet car la pauvreté dans les ménages ne leur permet pas de se payer le luxe de fréquenter les piscines nouvellement aménagées aux tarifs récemment fixés par le conseil communal de Rumonge. Ferdinand Nyokindi, conseiller technique de l'administrateur communal de Rumonge chargé du développement, reconnaît la baisse des recettes à ce site, du moins ces trois dernières semaines. Il indique que la commune suit de près la situation et c'est le conseil communal qui va statuer de nouveau si cela s'avère nécessaire. Le conseil communal travaille pour le bien de la population et le conseil communal suit à tout moment ce qui se fasse là-bas. Au cas où le conseil communal constate que ces bandes diminuent, je suis sûr que le conseil communal va diminuer. S'il voit que ces bandes maintenir le prix comme c'est mentionné dans la décision, donc le conseil communal va maintenir. Pour rappel, dès le 7 juillet courant, pour accéder aux eaux thermales de Mugara, un étranger paie 10 000 francs burundais au lieu de 5 000 francs burundais. Tout burundais paie 3 000 francs burundais au lieu de 2 000 francs burundais de mardi à vendredi. Pour les jours fériés, les samedis et les dimanches, tout burundais paie 5 000 francs burundais au lieu de 2 000 francs burundais. Les lundis, qui étaient gratuits aux gens de Mugara, l'accès est conditionné par le paiement de 500 à 1000 francs burundais selon que vous y accédez avant ou après-midi. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Isanganiro. Parlons commerce à présent. Les vendeurs de fruits et légumes qui étaient à l'extérieur du marché d'Ongagala 2, communément appelé Kotebu, se disent satisfaits qu'ils aient eu des stands à l'intérieur de cet établissement. Mais certains commerçants disent que ceux qui sont restés à l'extérieur leur empêchent d'avoir des clients et les autres dénoncent les mauvaises conditions de travail puisque leurs stands ne sont pas couverts de toiture. Oban Yonguru s'est rendu sur les lieux. Voici son reportage. Certains des vendeurs de fruits et légumes du marché d'Ongagara 2, dit de Kotebu, exercent leur travail sous le soleil. Leurs stands ne sont pas couverts de tôle. Ils affirment que leur activité va tant bien que mal, car leurs marchandises sont toujours endommagées par le soleil. Ils réclament les toitures. On n'a pas de clients. Regardez, nous étalons les marchandises, mais elles ne sont pas achetées. Nous nous approvisionnons souvent, mais les fruits et légumes finissent par pourrir quand endommagés par le soleil. Pour elle, la situation pourra s'empirer puisqu'on approche la période pluviale. Dans le même marché, ceux qui plaçaient leurs marchandises en dehors du marché se disent satisfaits qu'elles aient reçu des stands à l'intérieur. Mais elles disent qu'elles n'ont pas de clientèle à cause de ceux qui sont restés à l'extérieur. Ils ont préféré rester dehors pour avoir plus de clients. On ne peut pas accepter cela. Lorsque les clients arrivent, ils achètent les marchandises qui sont à l'extérieur seulement. Il faut que toutes ces vendeuses de tomates viennent occuper les places disponibles. Ils réclament même que ces derniers viennent occuper les places qui restent disponibles dans le marché. Ces commerçants réclament aussi que l'heure de fermeture de ce marché soit rallongée. Aujourd'hui, ce marché est fermé à 17h, mais c'est à 7h que les clients qui rentrent du travail commencent à arriver, estime-t-il. Merci Aubin pour ton reportage. Les commerçants grossistes des produits Braoudi à Kivyuka en commune Musigati de la province de Bubanza et l'administration communale ne s'entendent pas sur les prix de ces boissons. Un communiqué de mise en garde leur a été adressé au cours de cette semaine par l'autorité communale, les obligeant de revoir à la baisse les prix au risque de s'exposer à des sanctions. De leur côté, les commerçants indiquent qu'ils travaillent à perte s'ils appliquaient les prix recommandés par la commune. Spes Caritas Kamanyana. Dans un communiqué signé par l'administrateur de la commune Musigati, on demande à ces commerçants grossistes de vendre un casier de Primus à 15 400 francs, un casier de Fanta à 14 200 francs et un casier d'Amoussel à 19 500 francs. Sinon, l'administration communale met en garde ces commerçants qu'ils seront sanctionnés par une amende de 50 000 francs chacun, selon le même communiqué. Et au moment où ces commerçants grossistes vendent un casier de Primus à 15 600 francs, un casier de Fanta à 14 500 francs et un casier d'Amoussel à 19 700 francs, des prix qui sont aussi reconnus par la Braoudi seront les mêmes commerçants. Badiababo Ernest, l'un de ces commerçants, indique qu'il travaillerait à perte s'ils appliquent les tarifs exigés par la commune, étant donné même qu'ils sont obligés de payer eux-mêmes les frais de transport et de déchargement jusqu'à leur mini-dépôt. C'est-à-dire qu'un casier de Primus, par exemple, qu'ils devraient acheter à 15 150 francs, coûte 15 450 francs. Ici, on ajoute 200 francs de transport par casier et 100 francs de déchargement par casier. C'est ce qu'a été Kabanyana Mubanza, Radio Isanganiro. Merci Space. Et c'est par ton reportage que nous terminons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Eric Ouimana pour la mise en onde au micro. Vous étiez avec Ali Dandaï Kedza. Bon après-midi à tous.